Yo pe freine un homme là, mais yo pe pas freine un parole là. Ok, music. This is the my premium. This is the my premium. Governor, cette nuit je m'endors pas chez moi. Ils m'ont dit, tu t'en sortiras pas cette fois. Dans tes yeux je n'ai que de la peine, je t'en prie. Ça ira, je suis solide, embrasse-moi, pense à ma sortie. Oh mama, don't cry for me. Ainsi soit-il, je fais ma peine. Mama, don't cry for me. Je reviendrai plus fort que jamais. This is the my premium. Oh mama, mama. This is the my premium. Mama. Depuis ma naissance, je suis un rebelle. Fais-moi confiance, ma sortie sera belle. Dans le silence, je prierai l'éternel. On échangera, t'auras de mes nouvelles. Qu'il soit des milliers, des centaines, des dizaines. Je penserai à nous, autant ma fidèle. Soutiens-moi comme une mère pour sa prunelle. Ton courage me donne des ailes. Oh mama, sois courageuse, on vaincra tout ça. Mama, je te promets, ça ira. Oh mama, don't cry for me. Ainsi soit-il, je fais ma peine. Mama, don't cry for me. Je reviendrai plus fort que jamais. This is the my premium. Oh mama, mama. This is the my premium. Mama. This is the my premium. Oh mama, mama. This is the my premium. Mama. Tu sais comment je fonctionne. Dans ma cellule du son et du rhum. J'n'ai pas besoin de magnum. J'ai des couilles, j'suis debout, j'suis un homme. Personne me met à la l'amende. Celui qui lève la main creusera sa tombe. Et si tu m'as pas au fond, t'inquiète pas, j'suis dehors en septembre. Mama. Oh mama, sois courageuse, on vaincra tout ça. Mama, j'te promets ça ira. Mama, don't cry for me. Ainsi soit-il, je fais ma peine. Mama, don't cry for me. Je reviendrai plus fort que jamais. This is the my premium. Oh mama, mama. This is the my premium. Mama. This is the my premium. Oh mama, mama. This is the my premium. Mama. This is the my premium. Oh mama, mama, mama. This is the my premium. Mama. Free up. This is the my premium. Ah. This is the my premium. Don't cry, mama. Yo pe fè mè nom la, mè yo pa ka fè mè pa wola. Ah, c'est